On peut observer l'univers de multiples façons, allongé dans l'herbe une nuit d'été, avec un télescope petit ou grand pour observer la lumière visible, avec un radiotélescope qui va lui aller explorer le domaine radio d'autres longueurs d'onde. On peut ainsi regarder l'espace à travers tout le spectre électromagnétique, optique, rayon X, proche infrarouge, radio et j'en passe, mais ce n'est pas tout. Ces observations du spectre électromagnétique peuvent être recoupées avec d'autres signaux. Les ondes gravitationnelles par exemple, mais aussi le rayonnement cosmique ou les neutrinos. En croisant les signaux, il est possible de voir le cosmos comme on ne l'a jamais vu. Bienvenue dans l'ère de l'astronomie multimessager. Astronomie multimessager, croisons les sources, c'est le programme exploratoire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aller explorer l'univers par tous les angles de vue et par tous les signaux surtout, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Antier, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, Marianne Bizouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur Artemis. Vous êtes toutes deux membres de la collaboration LIGO-Virgo qui s'occupe de détecter les ondes gravitationnelles. Mais avant de vous retrouver, on commence par celle qui rassemble chaque jour tous les signaux de l'actualité scientifique pour n'en faire qu'un seul, le Journal des Sciences. Et c'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec le lancement réussi hier soir de la sonde chinoise Chang'e 5. L'objectif de la sonde Chang'e 5 est de collecter et de ramener sur Terre des échantillons de roches lunaires. Alors une fois que la sonde aura atteint son orbite, elle délivrera un atterrisseur similaire à ceux des précédentes missions. Il se posera dans une zone qui n'a jamais été explorée, l'océan des tempêtes, dans l'ouest de la face visible de la Lune. Un bras robotisé, équipé d'une foreuse, se chargera de prélever des roches en surface et jusqu'à 2 mètres de profondeur pour apporter un échantillon de 2 kg. Une fois l'opération terminée, un étage d'ascension décollera pour transporter le butin vers un troisième élément, la capsule de retour sur Terre. Si tout va bien, la sonde devrait atterrir vers le 16 décembre. Après les États-Unis et l'URSS, la Chine sera donc le troisième pays à rapporter de la roche lunaire. Et outre l'intérêt scientifique, le but de Chang'e 5 est de préparer à de futures missions habitées, celles de Chang'e 7 et 8, prévues pour 2030 sur le pôle sud, pour la mise en place d'une base spatiale à destination des astronautes. Et évidemment, vous pouvez retrouver non seulement les très belles images du lancement de la sonde de Chang'e 5, ainsi que toutes les études dont il sera question, et dans le Journal des Sciences, et dans la méthode scientifique, sur notre fil Twitter, @lamethodefc, bien sûr. Allez, on passe au bref. Selon de nouveaux chiffres de l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale de l'ONU, malgré les confinements, les concentrations de gaz à effet de serre n'ont pas chuté sur la planète. Si le confinement planétaire a bien réduit de façon temporaire les émissions de gaz à effet de serre, cela n'a pas fait chuter les niveaux de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces concentrations sont le résultat des émissions passées et actuelles cumulées. Il n'y aura donc pas d'impact positif sur le long terme. En 2019, les niveaux de CO2 ont atteint 410 parties par million, un chiffre qui devrait être encore plus élevé en 2020. L'OMM rappelle que le dioxyde de carbone reste dans l'atmosphère et dans les océans pendant des siècles. Une étude parue dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society décrit la découverte d'une galaxie fossile au sein de notre propre Voie lactée. Une collaboration internationale a découvert, près du noyau de la Voie lactée, les vestiges d'une ancienne galaxie. Elle a été baptisée Héraclès. C'est en utilisant les observations infrarouges de l'observatoire Apache Point au Nouveau-Mexique que les chercheurs ont repéré des étoiles anormales, à la composition chimique et aux vitesses différentes. Des étoiles plus pauvres en métaux et plus rapides, qui proviennent donc d'une autre galaxie. Selon eux, le gaz d'Héraclès constitue un tiers du halo galactique de la Voie lactée. Elle aurait absorbé Héraclès il y a environ 10 milliards d'années. Et enfin, selon une étude parue hier dans Proceedings of the National Academy of Sciences, Certaines espèces de papillons de nuit ont développé des camouflages sonores. Et pour les animaux nocturnes, il y a mieux que le camouflage visuel, le camouflage acoustique. Les chauves-souris en se repèrent et chassent grâce à l'écholocalisation. Avec leur biosonar à ultrasons, elles localisent leur proie. Une équipe britannique a découvert comment les papillons de nuit sans oreilles évitent ces prédateurs. Cette espèce possède des ailes insonorisantes. Elles sont recouvertes d'écailles qui réduisent les échos ultrasonores. Les chercheurs ont projeté des ondes sonores sur différentes espèces de papillons. Les ailes des papillons de nuit sans oreilles absorbent le son sur une large gamme de fréquences. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est une expression que vous avez peut-être entendue ci et là dans notre émission, notamment si vous l'écoutez régulièrement, que vous avez peut-être lu dans la presse ou dans des magazines consacrés à l'espace, l'astronomie multimessager. C'est un concept tout récent, même si, comme nous le verrons, il est un peu plus ancien que sa formalisation, il y a tout juste 3 ans, puisque la première observation multimessager de l'histoire remonte au 17 août 2017 et à la collision de 2 étoiles à neutrons qui a été détectée par les ondes gravitationnelles et qui, par la suite, a pu conduire 10 heures plus tard les astronomes à pointer leur télescope pour observer dans différentes longueurs d'onde la kilonova provoquée par cette collision. L'astronomie multimessager était née, mais depuis, on ne peut pas dire que cette méthode d'observation couplée de différents signaux ait été très fructueuse. Pourtant, elle ouvre des perspectives inédites pour comprendre certains des phénomènes les plus puissants, les plus violents et les plus énergétiques du cosmos. Et parmi les différents signaux de cette astronomie multimessager, les ondes gravitationnelles, les neutrinos, mais aussi les rayons cosmiques, ces projections de particules de haute énergie qui sont encore partiellement énigmatiques. Écoutez ce qu'en disait Louis le Prince Ringuet à la radiodiffusion française, nous sommes en 1949. Les physiciens du rayonnement cosmique cherchent d'abord à faire connaissance d'un rayonnement naturel qui existe, qui vient nous frapper tous, dont nous recevons chaque jour plusieurs millions de particules et qui était totalement inconnu il y a quelques années. Ce rayonnement naturel contient des particules de très grande énergie. Et c'est cela le grand intérêt pour les physiciens de ce rayonnement. Particules de très grande énergie, cela veut dire dont l'énergie cinétique individuelle est très supérieure à l'énergie des particules des autres rayonnements. Et alors avec ces particules de très très grande énergie qui nous arrivent d'espaces intersidéraux, ou des espaces stellaires, on ne sait pas très bien d'où, peut-être notre galaxie est-elle tout entière responsable, peut-être la responsable est-elle entre les galaxies, ou peut-être ce sont des étoiles qui explosent dans les nébuleuses spirales, on ne sait pas très bien, il y a énormément de problèmes d'astrophysique qui sont impliqués dans la connaissance du rayonnement cosmique, mais le fait essentiel, c'est que nous sommes baignés dans un bain de particules d'une énergie très grande. Voilà, nous sommes en 1949, c'est le tout début de la découverte de ce rayonnement cosmique. Une réaction peut-être l'une et l'autre, Sarah Antier ? Oui, ça montre bien qu'on est passé, que l'astronomie multimessager finalement n'est pas toute jeune. Bien sûr, il y a eu un vrai essor en 2017, mais on pourrait dire aussi qu'en 1987, il y a aussi eu un événement multimessager. Mmh. Et peut-être que Marianne veut en dire quelque chose dessus. Marianne Bizouard, effectivement, en 1987. Alors à l'époque, on va essentiellement parler, on peut lever un peu le suspense pour les auditrices et les auditeurs, on va essentiellement parler d'astronomie multimessager déclenchée par les ondes gravitationnelles. Mais comme je le disais, il y a différents signaux. On va définir tout ça, peut-être juste pour dire que on en est vraiment, en tout cas, au tout début, depuis que ça a été formalisé, depuis cet événement de 2017, c'est-à-dire de dire que on peut coupler les différents signaux d'observation de l'espace pour avoir beaucoup plus d'informations sur certains événements très puissants. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire justement, parce qu'on sait que les sources qu'on essaie d'observer vont émettre plusieurs messagers. Le photon, donc à l'origine du rayonnement électromagnétique, qu'on observe dans plusieurs longueurs d'onde depuis pratiquement un siècle, entre les débuts de l'astronomie classique où on observait uniquement dans le visible avec des lunettes astronomiques, et puis ce qu'on arrive à faire maintenant en astronomie classique, c'est-à-dire le rayonnement électromagnétique, où on observe tout le spectre du radio, de l'émission radio à l'émission gamma, l'astronomie classique a fait énormément de progrès. En parallèle, effectivement, au XXe siècle, il y a eu la découverte, à la fin du XIXe, et l'exploration a duré tout le XXe siècle, la découverte donc du rayonnement cosmique, mmh. la compréhension de ce rayonnement, qui le prince Rengde l'expliquait très bien. Ce rayonnement posait énormément de questions sur son origine et sur, en particulier sur les mécanismes d'accélération, parce que le rayonnement cosmique, donc ce sont des particules qui nous arrivent sur Terre et qui sont extrêmement énergétiques. Mmh. Et pour expliquer ces énergies, ben, ça fait appel à des mécanismes d'accélération qu'on ne comprend toujours pas très bien. Mmh. Et l'astronomie, justement, l'étude du rayonnement cosmique, ça fait plus d'un siècle. Ça fait un siècle, oui. Les premières expériences, c'était au début du XXe siècle. Mmh. Compréhension de ce rayonnement, étude de ce rayonnement, et on continue. Alors maintenant, il y a d'autres messagers, il y a les neutrinos, et puis maintenant, il y a les ondes gravitationnelles. Et on va les prendre, ces messagers, un par un. Peut-être juste pour faire un tout petit peu de spéculation en ce début d'émission, est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est imaginable, puisqu'on est encore une fois au tout début officiel, hein, même s'il y a eu quelques observations multimessagers par le passé, puisque ça fait à peine 3 ans donc qu'on parle dans cette terminologie-là ou qu'on l'évoque. Sarah Antier, est-ce que vous voyez d'ici 20, 30, 40 ans, je ne sais pas, la possibilité de dire qu'on va pouvoir étudier des phénomènes avec les 4 messagers d'un coup, en perfectionnant un peu les technologies, en améliorant la coordination internationale? Vous pensez que c'est l'avenir vraiment de l'astronomie aujourd'hui? Oui, bien sûr, on va vers cet essor avec déjà donc des ondes gravitationnelles qu'on détecte depuis 2015, avec une progression sur l'instrumentation des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui vont voir de plus en plus loin et voir des signaux donc d'ondes gravitationnelles de plus en plus faibles. On a aussi l'arrivée de nouveaux instruments sur tout le spectre électromagnétique. Donc, par exemple, le lancement de nouveaux instruments spatiaux qui vont sonder, par exemple, l'univers en rayonnement gamma. Mm-hmm. On a aussi l'arrivée d'observatoires terrestres pour le rayonnement gamma de très très hautes énergies dans les années 2030. À quel observatoire vous faites référence là? Donc, je fais référence par exemple à CTA pour les observatoires de très hautes énergies. Mm-hmm. Dans les rayons gamma, on va avoir la mission spatiale franco-chinoise SVOM qui va être lancée dans les 2 prochaines années. Mmh. On va avoir l'arrivée de SKA en radio, mmh. l'arrivée aussi d'autres observatoires, de très grands observatoires invisibles. Et donc sur les autres, sur les neutrinos, on va vraiment avoir une nouvelle génération de détecteurs pour un projet dont la France est porteuse, qui s'appelle CAM3NET, qui va aussi arriver en 2030. Donc après, comme vous l'avez dit, va falloir faire cohabiter tous ces observatoires, et c'est quelque chose qui est assez difficile parce que en astronomie multimessager, on fait en général référence aussi à des phénomènes violents et des phénomènes éphémères. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire cohabiter ces observations au bon moment, on va dire. On va voir que c'est l'un des enjeux principaux de cette astronomie multimessager. On va essayer de comprendre déjà ce que l'on a pu voir, comment on observe et comment on peut coordonner ces différents signaux, comment est-ce qu'on peut pointer vers le même moment pour ces phénomènes qui peuvent être très brefs, et puis surtout qu'est-ce qu'on peut voir avec tous ces signaux. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h14 sur France Culture, nous parlons d'astronomie multimessager en compagnie de Sarah Antier et de Marianne Bizouard. Peut-être qu'on peut redire tout de même pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent qu'on parle souvent, par exemple, on a parlé il y a très peu de temps de l'observation d'une kilonova, d'un magnétar. En fait, il faut rappeler que quand on observe l'espace aujourd'hui principalement, c'est en grande partie par le spectre électromagnétique, Marianne Bizouard. Oui, c'est exact, parce que, alors pour plein de raisons, c'est parce que l'histoire de cette astronomie est beaucoup plus ancienne que l'astronomie des neutrinos ou des ondes gravitationnelles. Les phénomènes électromagnétiques dans l'univers c'est ce qui domine. Le ciel, quand on observe le ciel, dans toutes les longueurs d'onde, il y a énormément de phénomènes. Alors là, on parle de phénomènes transitoires, d'émissions. Donc l'univers est brillant d'une certaine façon. C'est ça. Donc effectivement, il y a énormément de sources qu'on observe avec le rayonnement électromagnétique. Et le rayonnement électromagnétique, Sarah Anti, on peut rappeler que ça donne lieu à des instruments différents. C'est-à-dire que ce ne sont pas avec les mêmes observatoires, avec les mêmes télescopes que l'on va observer dans le visible, c'est-à-dire dans la lumière qui nous parvient, dans les rayons X, dans les rayons gamma, dans les ondes radio. Vous pouvez nous refaire un peu, juste très rapidement, un peu un résumé de ce que sont ces ondes électromagnétiques, quelles sont les différentes possibilités de regarder dans l'intégralité de ce spectre? Oui, donc en fait, on a donc un rayonnement, par exemple gamma, qui est en partie arrêté par notre atmosphère. Donc, il va falloir utiliser des instruments spatiaux pour observer ce rayonnement gamma qui provient de phénomènes violents, de phénomènes cataclysmiques. Donc, pour ça, on va faire appel à on va lancer des satellites scientifiques. C'est extrêmement coûteux, donc on va dire qu'il y a très peu d'instruments de ce type. En revanche, pour tout ce qui est visible et proche infrarouge, on peut l'observer dans l'espace et sur Terre. Donc c'est pour cela que, pour ce qui est du visible, on peut avoir des instruments spatiaux et terrestres. Donc évidemment, le déploiement d'instruments au sol est moins coûteux. Et donc on privilégie en général pour le visible des instruments au sol. Et après, pour la longueur d'onde radio, on a aussi déployé des instruments au sol. Donc ensuite, suivant ce qui est très important, c'est si on connaît bien la nature du phénomène que l'on veut l'étudier et la localisation dans le ciel. Et donc là, on va avoir tous ces instruments dont j'ai parlé, ils vont avoir ils vont pouvoir pallier en fait à cette incertitude de localisation, et on va utiliser tel ou tel instrument si on sait bien où localiser et quelle est la source qu'on souhaite observer dans le ciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle l'astronomie multi-longueur d'onde, ça n'est pas encore vraiment de l'astronomie multi-messager, mais c'est quelque chose que l'on pratique de plus en plus. Je le disais à l'instant, on en parlait vendredi dernier dans l'émission, une kilonova extrêmement énergétique. On a vu donc une explosion qui a été plus imaginée, qui a déployé plus d'énergie en une demi-seconde que le Soleil en 10 milliards d'années de vie. Et c'est en recoupant par différentes longueurs d'onde qu'on a réussi à voir qu'il s'agissait de la formation d'un magnétar, Marianne Bizot. Oui, c'est un papier qui est sorti, une observation qui a été publiée au mois d'août. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Nous, on avait observé, donc vous l'aviez rappelé, le 17 août 2017, on avait observé la kilonova qui avait été générée après la fusion de deux étoiles à neutrons. Alors, je vous interromps, Marianne Bizot, parce que c'est intéressant. On va vraiment raconter ce qui s'est passé ce 17 août 2017, qui est la date de naissance officielle, entre guillemets, de l'astronomie multimessager. Peut-être qu'on peut raconter effectivement les choses dans l'ordre. Quel est le premier signal qui intervient et comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire dans l'ordre chronologique des choses telles qu'elles se sont déroulées, Marianne Bizot? Oui, parce qu'en plus, on l'a suivi en direct. Voilà. Les physiciens de la collaboration ont eu ce privilège, en particulier les Européens, puisque l'événement est arrivé à 1h, entre 1h et 2h de l'après-midi. Donc nous, on était réveillés, contrairement aux Américains. Et donc, on l'a eu en direct. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'on a détecté donc le signal d'onde gravitationnelle. Alors, on va rappeler brièvement, pour nos auditrices et nos auditeurs les moins férus d'astronomie, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles et quel type de signal ça détecte? Oui, alors les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes qui sont émises, c'est une déformation, alors, ce sont des ondes qui sont émises par des corps qui vont être extrêmement massifs, compacts, relativistes et qui ont une certaine déformation. Donc, tous les corps, à partir du moment où ils ne sont pas sphériques, vont émettre des ondes gravitationnelles, mais la plupart des corps qui ont une masse vont émettre des ondes gravitationnelles extrêmement faibles. Donc c'est pour ça qu'on va chercher, en fait, on observe les ondes gravitationnelles émises par des objets astrophysiques, des sources astrophysiques, parce que là, les masses en jeu, on parle de masses similaires à la masse du Soleil, sont extrêmement importantes. Donc, les ondes gravitationnelles sont émises par donc ces corps, ces sources astrophysiques, ces phénomènes violents dans l'univers. Extrêmement denses, hein. On parle là des objets les plus denses de l'univers. Effectivement, c'est les objets les plus denses. Il faut en gros que la masse soit dans un tout petit volume. Et les deux objets les plus denses de l'univers, ce sont les trous noirs et les étoiles à neutrons. Donc c'est après il y a d'autres objets denses comme par exemple les naines blanches, mais disons que les deux objets les plus qui sont les plus intéressants pour nous, ce sont les trous noirs et les étoiles à neutrons. Donc ces ondes, elles sont émises lors de phénomènes extrêmement violents, relativistes, et elles vont se propager. Et en fait, cette propagation, cette onde, c'est une déformation de l'espace-temps. Il faut le voir comme une déformation, comme si l'espace, qui a priori est très très rigide, hein, c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, modéliser comme une toile tendue. Eh bien, en fait, cette toile, elle va se déformer, et c'est cette déformation qui se propage, qui sont en fait les ondes gravitationnelles. Et donc, elles arrivent jusqu'à nous. C'est ça. On utilise souvent l'image d'ondes à la surface d'un lac. C'est-à-dire que l'espace-temps se mettrait à vibrer un peu comme ça d'un seul coup parce qu'il y a ces événements très, très puissants qui sont la coalescence de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons. Ça déploie des énergies énormes et ça déforme la structure de l'espace-temps. Voilà. Oui. Il faut le voir comme... il faut toujours penser, c'est que l'espace-temps... En fait, c'est un milieu très, très rigide. Donc, cette déformation, elle est toute petite. Et c'est ça le problème. C'est que ce sont des signaux extrêmement faibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut des détecteurs extrêmement précis sur Terre pour pouvoir les détecter. Mais on y arrive. Donc, ce qu'on savait depuis Einstein a écrit tous ses papiers sur la théorie de la relativité générale, c'était donc le type de source potentielle qui pouvait émettre des ondes gravitationnelles. Et donc, depuis un certain temps, certaines communautés de physiciens avaient mis au point ces détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ça a pris beaucoup d'années. Ça a démarré, disons, l'effort expérimental a démarré dans les années 60. Il y a des noms, des grands noms de la physique qui se sont intéressés au problème. La difficulté, c'était d'être capable de mesurer des déformations. Donc, ce qu'on cherche à mesurer sur Terre, c'est des déformations de l'espace-temps. Parce que l'onde arrive sur Terre, donc elle déforme tout l'espace-temps. C'est cette déformation... Elle est extrêmement faible puisque on va chercher à être capable de mesurer des variations de longueur, en fait, de l'ordre de 10-22, 10-23. Je vais renvoyer nos auditrices et nos auditeurs. On a consacré plein d'émissions aux ondes gravitationnelles, mais c'était vraiment juste pour faire un petit rappel pour les gens qui n'ont pas entendu ces émissions ou qui sont moins familiers avec ce concept. Donc, si on en revient à ce 17 août 2017, vous captez donc un signal, les interféromètres, hein, c'est-à-dire la machine, l'appareil qui capte les ondes gravitationnelles, les deux expérimentations LIGO et Virgo, détectent un signal. Qu'est-ce qu'ils détectent et comment ça se passe à partir de là? Est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que je demande à Sarah Antier de prendre le relais 5 minutes? Sarah Antier, je vous laisse prendre le relais, comme ça vous faites une narration à deux voix l'une et l'autre. Oui. Donc on détecte un signal, dans deux des détecteurs américains, mais il s'avère qu'il y en a un des deux où il y a du bruit, en fait, parasite, qui fait qu'on ne peut pas, au début, correctement utiliser ces données. Mais sur l'autre détecteur, on voit clairement un signal qui est un peu plus long que ce qu'on avait l'habitude de voir pour des collisions de trous noirs. Donc déjà, ça nous a mis en évidence que c'était des objets moins massifs que des trous noirs et que donc ça pouvait être, par exemple, deux étoiles à neutrons qui collisionnaient. puisque c'était détecté aussi par nos analyses en temps réel qui étaient adaptées pour détecter ce type de collision d'objets compacts. Et donc nous voilà devant le fait, donc comme l'a dit Marianne, vers 14h. Et on sent que c'est très important parce que si c'est une collision de deux étoiles à neutrons, une étoile à neutrons, un trou noir, alors cela signifie que de la matière peut être éjectée et elle va produire en fait par nucléosynthèse des éléments plus lourds qui peuvent émettre de la lumière. Et donc, on veut savoir, ce qui est important pour cette astronomie multimessager, comme vous l'avez dit, c'est l'association onde gravitationnelle lumière. Et on se dit, ah, là, il va falloir envoyer une alerte le plus rapidement possible à la communauté astro pour essayer de trouver cette contrepartie lumineuse. Ce qui nous arrive au même moment de façon indirecte, et je vais redonner la main à Marianne après pour qu'elle témoigne de l'effervescence qu'on a eu, c'est qu'au même moment, on a eu un signal, un report d'une détection de sursaut gamma qui, à l'époque, on ne savait pas vraiment s'il y avait un lien, enfin, on pressentait qu'il y avait un lien, mais on ne s'était pas confirmé, qui se passe environ 2 secondes après notre signal d'onde gravitationnelle. Donc là, on se dit que ça peut être corrélé, et c'est là que je redonne la main à Marianne pour dire qu'est-ce qui s'est passé après. Je trouve ça formidable de vous entendre l'une et l'autre parce que ça redonne un peu effectivement quelque chose de la fébrilité de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que donc on a ces ondes gravitationnelles, cette détection de collision d'étoiles à neutrons. Un sursaut gamma, et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir, parce qu'évidemment, les premières ondes gravitationnelles, il faut peut-être rappeler cela, Marianne Bizouard, mais très brièvement, les premières ondes gravitationnelles sont des coalescences de trous noirs. Donc, les coalescences de trous noirs, on les détecte grâce aux ondes gravitationnelles, mais c'est difficile d'avoir d'autres messagers, et surtout, évidemment, pas dans le spectre électromagnétique. Donc là, d'un seul coup, avec les étoiles à neutrons, ça change tout. Oui, ce qu'on avait observé jusqu'à présent, c'était des fusions de deux trous noirs, mais on cherchait, on cherchait activement donc un signal caractéristique donc de la fusion de deux trous noirs, parce que comme l'a rappelé Sarah, la grande différence entre un signal de trou noir massif de plusieurs masses solaires par rapport à celui de la fusion de deux étoiles à neutrons, c'est la longueur du signal. Et le 17 août, quand on a vu donc ce signal qui était beaucoup plus long que ceux qu'on avait l'habitude d'observer jusqu'à présent, la signature était indiscutable. Et en plus, l'alerte envoyée du sursaut gamma, ça a effectivement fait monter le niveau d'excitation dans tous les groupes d'analyse. Immédiatement, on a discuté en ligne quoi faire. Il y avait ce problème, comme l'a rappelé Sarah, ce problème de bruit dans un des détecteurs. On savait le résoudre, ça allait prendre un petit peu de temps pour nettoyer un peu les données, mais on savait qu'il fallait absolument envoyer l'alerte le plus rapidement possible pour que tous les télescopes avec lesquels on avait des accords, à cette époque-là, on n'envoyait pas des alertes publiques, on envoyait des alertes à un réseau d'astronomes, avec lesquels on avait passé des accords, on avait une soixantaine d'accords, je crois, différents groupes dans le monde, pour qu'ils puissent observer le plus rapidement et essayer de localiser la source. Parce que nous, ce qu'on leur a envoyé, donc, c'est une zone du ciel de 30 degrés carrés, si je me souviens bien, entre 20 et 30 degrés carrés, et pour des télescopes optiques, ou proche de l'optique, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher des sources transitoires parce que il y a énormément de sur 30 degrés carrés, ça couvre énormément. C'est un grand champ. C'est un très grand champ de l'espace. Oui, c'est ça. Et puis il faut imaginer toujours que le problème, c'est que quand on veut passer dans l'optique, il faut qu'il fasse nuit. Or, il fait pas nuit sur toute la planète. Et voilà. Il faut que ce soit du bon côté, quoi. Oui. Alors là, je vais leur donner la parole à ça. Alors Sarah Antier, c'est pour vous la suite, allez-y. Oui, donc on est dans une pleine effervescence. Toute la collaboration de la Ibovirgo n'a pas dormi pendant 48 heures. Et quand on a envoyé cette alerte, c'est un peu le monde de l'astronomie s'est un peu arrêté, où ils ont tous braqué tous les télescopes possibles en direction de la zone de recherche fournie par nos détecteurs d'ondes gravitationnelles, nos analyses. Et rapidement, je pense 6-7 heures plus tard, on a envoyé cette carte de localisation avec les données de l'autre interféromètre, mais la zone était assez grande. La chance qu'on a eue, c'est que, en fait, dans le signal d'onde gravitationnelle, est encodé en fait la distance, bon, avec une incertitude. Mmh. Et ce signal, la source était assez proche. Et donc. C'est-à-dire à quelle distance C'était à 40 mégaparsecs, donc je sais pas si ça fait. Alors 40 mégaparsecs, si on traduit en années-lumière, qui sont plus faciles à se représenter. Je l'ai. Attendez, allez-y, je vais le retrouver dans 5 minutes. Ouais. Allez-y. Ouais, donc en fait, imaginons qu'on sait la distance a priori de la source et la zone de recherche, on est capable de croiser avec des galaxies qui pourraient héberger le signal. Et donc quand on a fait ça, on a vu que même si la zone de recherche était très grande, en fait, il y avait que une dizaine de galaxies qui étaient situées qui était compatible avec la distance fournie par le signal d'onde gravitationnelle située dans la zone de recherche et qui pouvait héberger ce type de signal parce qu'il faut des particularités, des propriétés pour héberger une collision de deux étoiles à neutrons. Et donc ça a été assez entre guillemets facile cette découverte là puisque les télescopes à petit champ de vue, c'est-à-dire la plupart des télescopes sur la planète ont pu pointer respectivement ces 10 galaxies et ils ont vu une nouvelle source, qui est apparue dans le ciel, qui n'était pas dans les relevés routinières qu'on a, les catalogues qu'on a, les grands relevés du ciel. Et on a tout de suite, et c'était vraiment très probable que ce soit la source d'onde gravitationnelle, la contrepartie visible, et on avait en même temps identifié la galaxie. Donc c'était très important. Et ensuite, il s'est passé donc des jours, des semaines, où les télescopes, donc tour à tour, ont pointé vers cette source pour récolter le plus d'informations, comme vous l'avez dit, sur tout le spectre électromagnétique, donc des rayons X jusqu'aux radios. Et on a découvert, il me semble, 9 jours plus tard, si je me le rappelle bien, la contrepartie en rayon X, et puis ensuite, 15 jours plus tard, la contrepartie en radio, qui provient de différents phénomènes, mais peut-être qu'on va en revenir dessus. Mmh. Et on observe, on essaie toujours d'observer cette source en X, à l'heure actuelle, donc quelques années plus tard. Mmh. Donc c'est un phénomène, si on parle des ondes gravitationnelles, qui, comme l'a dit Marianne, dure quelques dizaines de secondes, mais cette source peut perdurer sur plusieurs années dû à plusieurs phénomènes. Et si on revient à l'article que vous avez mentionné, en fait, le lien, c'est qu'on a révélé un autre aspect, un autre phénomène lié aux collisions de deux étoiles à neutrons, la kilonova, et c'est vraiment cette découverte multimessager avec l'apport du signal d'onde gravitationnelle qui a vraiment parlé de la dynamique, des masses initiales, etc., qui a permis de faire le lien entre le phénomène de kilonova, le phénomène de sursaut gamma et le phénomène de collision, parce que les ondes gravitationnelles nous donnent vraiment une information capitale sur la nature du phénomène en jeu. Donc c'est ça qui a été très formateur, et depuis, par exemple, sur cet article, en fait, cet article qui n'a pas détecté des ondes gravitationnelles dont vous parlez, mais qui fait référence à une kilonova à magnétar, en fait, se base sur la connaissance qu'a apporté l'événement de 17-8-17. Donc c'est grâce à un seul phénomène multimessager avec les ondes gravitationnelles que ça enrichit et que ça affirme peut-être d'autres études qui n'avaient pas cette composante d'ondes gravitationnelles. On va continuer à poursuivre ce feuilleton assez haletant de ce qui s'est passé, pas uniquement le 17 août 2017, mais de ce que cet événement a ouvert dans l'astronomie multimessager et encore une fois de ce que cela a apporté, de voir si elle a pu être répliquée, si d'autres éléments multimessagers ont pu être observés. On va discuter de tout ça dans quelques instants. Fire. Voilà un bien court extrait du morceau Something Wrong du groupe Steve Amber, hein, qui dure 8 minutes. Malheureusement, eh bien, on n'a pas 8 minutes entières à leur accorder, mais on en resterait bien 8 minutes en compagnie de Steve Amber, comme toujours, hein, soutien à la scène musicale indépendante française tout au long de ce deuxième confinement à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons tout au long de cette heure de l'astronomie multimessager en compagnie de Sarah Antier, qui est astrophysicienne au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, et Marine Bizouard, qui est physicienne chargée de recherche, directrice de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur Artemis, toutes deux membres de la collaboration LIGO-Virgo, peut-être qu'on pourrait dire Marianne Bizouard, parce que j'aimais bien cette expression, je crois que c'est une expression de Sarah Antier qui disait l'astronomie multimessager, ça n'est pas juste de l'addition d'informations, c'est un peu 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'on en apprend plus avec des signaux différents que la simple addition des signaux. On en apprend beaucoup, parce qu'en fait on observe donc les sources pas de la même façon, et en particulier, on va, par exemple, les ondes gravitationnelles nous renseignent sur la dynamique du phénomène. C'est un signal qui va nous donner des indications sur ce qui s'est passé, l'explosion. Parce que bien souvent, par exemple, une supernova, quand on observe une supernova, on va observer le signal lumineux qui est émis en fait des heures, voire des jours après l'explosion. Alors que les ondes gravitationnelles, on observe ce qui se passe au moment du phénomène violent. Donc ça donne une indication sur la dynamique. Ça va par exemple nous donner une bonne indication pour les systèmes binaires sur les masses mises en jeu. Donc ça, c'est une information très importante. Après, l'émission électromagnétique va nous donner une autre information complètement différente, parce qu'elle va en particulier donner l'information de ce qui se passe au niveau de la source, toujours, ou dans un environnement proche, mais en particulier les interactions avec le milieu. Donc, ça va nous donner une information sur qu'est-ce qu'il y a autour de la source. Est-ce que la source est isolée? Est-ce qu'elle est, au contraire, dans un milieu bien particulier? Donc, tout ça, effectivement, c'est plus qu'une simple addition, parce qu'on met après ensemble toutes les informations. Et grâce à ça, eh bien, on affine des modèles. On rejette des modèles, on va exclure des modèles qui avaient été proposés pour certains phénomènes, et au contraire, affiner les modèles, réaliser en fait que les choses ne sont jamais aussi simples que ce qu'on imagine. Ça, c'est un travers des physiciens, ou c'est peut-être une bonne méthode en fait, c'est de toujours revenir à des choses simples, et en fait, avec la connaissance qu'on acquiert par l'expérience, par l'observation, eh bien, on affine les modèles et on les complexifie en général. Et on met effectivement, on met la dynamique, on met l'environnement, on met beaucoup de choses ensemble et ça fait un tout. Je ne sais pas si 1 plus 1 égale 3, mais oui, c'est très très riche. C'est ça l'intérêt des analyses multimessagées. Sarah Antier, peut-être un mot, parce qu'il y a cet événement du 17 août 2017, donc on a tendance à se dire ou à penser comme ça avec un regard un peu naïf que bien si on a réussi à coordonner tout cela une fois, on a réussi à coordonner cela d'autres fois. Or, bien sûr, la campagne d'observation 2019-2020 de LIGO-Virgo, ça n'a pas réussi à reprendre. Oui, exactement. Donc il y a eu une augmentation de la sensibilité des détecteurs donc gravitationnels. On s'est dit ok, on a fait une stratégie d'observation, on a su monopoliser et coordonner plusieurs observatoires au niveau électromagnétique, et donc on partait avec frénésie en avril. Avec espoir, disons. Avec espoir, voilà, en avril 2019, vers cette campagne dite O3. Et malheureusement, il ne faut pas croire qu'il n'y a eu personne qui a suivi les alertes d'ondes gravitationnelles. Il y a eu à peu près le même engouement, en fait, que pour la campagne qui a mené à la découverte du 17 août 2017. Mais malheureusement, on n'a pas détecté de contrepartie à ces alertes qui ont été envoyées. Donc, il y a eu environ une alerte par semaine envoyée par LIGO-Virgo, oui. Et dont au moins une qui était clairement un signal de collision de deux étoiles à neutrons. Et pourtant, on n'a pas réussi à trouver le signal associé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle ça n'a pas marché cette fois-ci? Oui, donc pour plusieurs... La première chose, c'est que la découverte du 17 août 2017 était très très proche et était exceptionnelle en fait. Donc on a eu un bol monstrueux en 2017. Donc maintenant, il faut progresser et apporter, on va dire, investir pour une observation, un suivi routinier de ces alertes d'ondes gravitationnelles. Et peut-être qu'au niveau des observateurs, on n'a pas... on ne s'est pas assez organisé, on ne s'est pas assez coordonné pour avoir un suivi extrêmement efficace qui relève les challenges observationnels. Deuxièmement, au niveau de cette deuxième événement, les conditions n'étaient pas pareilles. On avait, en fait, ça a été détecté que dans un détecteur d'ondes gravitationnelles, et du coup, la zone de recherche était un quart du ciel observable. Ce qui est énorme. Donc c'était énorme. Et donc la communauté en général n'a pu balayer que 40% de la zone de recherche. Et comme le signal, je pense que ça n'a pas été mentionné, mais pour rappeler, le signal lumineux diminue au cours du temps. Et au bout de 48 heures, il est observable que par des télescopes très très sensibles, situés dans le volume d'observation des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, c'est une course contre la montre qu'il faut gagner en 48 heures, et quand on doit balayer un quart du ciel, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on entend, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes de préciser, c'est que ça n'est pas parce qu'il y a une alerte que d'un seul coup tous les télescopes du monde peuvent se mettre à l'arrêt pour balayer le ciel, parce que du temps de télescope c'est précieux, il y a des temps d'observation qui sont retenus pendant longtemps par des équipes, que tous les télescopes ne participent pas à ce réseau d'alerte, même si maintenant, et c'est peut-être intéressant de le préciser, les alertes sont devenues publiques, et puis par ailleurs parce qu'il y a aussi, comme vous l'avez dit, une dimension de distance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte de sphère au-delà de laquelle ça devient quasiment impossible de repérer par l'électromagnétique des signaux d'ondes gravitationnelles qui auraient été détectés par LIGO ou Virgo. C'est ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'augmentation de sensibilité des détecteurs, il faut que le côté observationnel électromagnétique s'arme pour gagner en sensibilité aussi de leur côté. Et aussi dans les pratiques de suivi routinier, il faut savoir vraiment que avant ces observations d'ondes gravitationnelles, d'observer quelques degrés carrés du ciel et on va dire en alerte, c'est-à-dire d'arrêter les observations routinières pour faire ces observations, c'était pas quelque chose qui était accepté, voire chose commune en astronomie. En général, on pointe un télescope, on a du temps qu'on a obtenu 6 ou un an à l'avance. Parfois d'âpres luttes, etc. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, de plus en plus adopté par la communauté, d'avoir un plus grand espace, en fait, pour observer ces phénomènes transitoires et très mal localisés. Mais c'est vrai qu'il faut encore progresser dans cette voie, d'autant plus que les détecteurs neutrinos, par exemple, dont on parle, ne fournissent pas non plus une erreur de localisation en arc seconde, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi une batterie certainement de télescopes ou des télescopes adaptés pour balayer aussi cette zone de recherche. Et donc, dans les années qui viennent, dans les 10 années qui viennent, au moins dans les 5 années qui viennent, il semblerait que seule la coordination entre les différents observatoires serait la voie pour avoir un deuxième événement multimessager avec les ondes gravitationnelles. Marianne Bizouard, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la prochaine campagne LIGO Virgo est en 2022-2023. Les instruments vont être encore évidemment mis à jour et leur capacité de détection affinée. On va certainement pouvoir capter de plus en plus de signaux d'ondes gravitationnelles, peut-être même, en tout cas c'est ce qui est espéré, un par jour. Ça veut dire que à chaque événement, non pas tous les jours, mais en tout cas très régulièrement, il va falloir mobiliser, interrompre toute l'observation électromagnétique du ciel pour tourner les télescopes vers les endroits qui auront été repérés par les ondes gravitationnelles. Ça risque de créer pas mal de désordre dans la communauté astronomique mondiale. Oui, alors en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont choisir. nous, on donne des alertes et nous, dans ces alertes, on donne de l'information sur la source. On indique en particulier si la source... Alors, toutes les alertes qu'on a envoyées jusqu'à présent, donc c'est toujours des fusions d'objets compacts, pour la neutron ou trou noir. Et dans l'information qu'on donne, on va par exemple dire « Ah, dans la source qu'on a observée, il doit y avoir une étoile à neutrons qui a fusionné, ou même deux. Mmh. » Ou alors, c'est deux trous noirs très massifs. Donc, on va donner des informations de plus en plus précises, en plus de la localisation qu'on peut donner. Donc, sur la nature de la source, ça, c'est quelque chose d'important. Parce que, justement, les astronomes, les gens qui font des observations, vont décider, selon leur programme de recherche, selon leur intérêt, s'ils suivent telle ou telle alerte. Parce que, bien évidemment, tous les groupes ne vont pas suivre toutes les alertes. C'est pas possible. Bien entendu. Parce qu'il y a des programmes de recherche. Tous ces, en particulier, les grands télescopes ont des programmes de recherche bien définis. Et comme vous l'avez dit, c'est toujours des temps de télescopes sont tenus après d'âpres négociations. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi, d'être capable de donner très rapidement, le plus rapidement possible, l'information la plus juste sur la source. Et pour nous, c'est un challenge, comme on dit en français. C'est pas simple. Un défi. C'est pas simple. Il faut parce que il faut avoir des algorithmes donc d'identification, de détection et d'identification qui tournent très rapidement et qui soient fiables. Et on a affaire à des données qui parfois contiennent un peu trop de bruit. Donc on a parfois des petits soucis. Donc bon voilà, ça fait partie de ce qu'on doit être capable de faire dans effectivement un peu plus d'un an. Et ça doit être c'est ça, c'est l'objectif pour O4, donc pour la campagne 2022-2023. D'être capable d'affiner la direction du signal de manière à réduire la quantité de ciel à observer par les télescopes électromagnétiques. Oui, d'être capable de donner une information la plus juste possible. L'autre chose, puisqu'on parle d'O4, l'autre chose importante sur laquelle on travaille, c'est d'être capable pour les signaux de la fusion de deux étoiles à neutrons, comme il est assez long, c'est un signal dans nos détecteurs qui est assez long, plusieurs minutes. Ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est envoyer une alerte avant que la fusion ait lieu. C'est un autre... C'est-à-dire qu'on voit le début, on voit la fin de la coalescence des deux étoiles à neutrons, et d'être capable de détecter, de dire « Ah oui, une fusion va se produire dans quelques secondes », et d'envoyer l'alerte. Ça, pourquoi on veut pouvoir faire ça? C'est pour pouvoir capter éventuellement un signal rapide, électromagnétique rapide qui serait émis au moment de la fusion. C'est-à-dire un sursaut gamma, par exemple. Le sursaut gamma, voire même des choses en plus. Voilà. Oui, mais ça demanderait une réactivité à la seconde quasiment, non? Oui, alors nous notre objectif, c'est de réduire la latence au minimum. Après, il faut aussi que les télescopes, mais il y a des télescopes qui sont très rapides, qui peuvent pointer très très rapidement dans une zone du ciel. Ça, encore une fois, ça suppose une organisation, une stratégie d'observation. Mais on veut absolument réduire la latence. Bien sûr. Bien évidemment, c'est pas simple, mais c'est un des objectifs pour O4 aussi. Une chose intéressante, brièvement, mais ça est important, et d'autant plus pour nos auditrices et nos auditeurs férus d'astronomie, l'astronomie multimessager peut mettre à contribution, c'est aussi une astronomie participative, c'est-à-dire que il y a des astronomes amateurs qui sont un peu équipés, mais qui ont pu contribuer à des analyses de signaux, Sarah Antier. Oui, donc voyant l'effort qu'il a pu fournir surtout O2, ce qu'on a mis en place en France avec Nicolas Leroy, Patrice Hello et Nelson Christensen et Michel Bauer d'Artemis et de IJC Lab, c'est un réseau de télescopes qui fédère ces groupes d'astronomie dans le monde pour être, comme l'a dit Marianne, avoir des observations immédiates après le signal donc gravitationnel, enfin après l'alerte. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que vu qu'on avait fédéré plusieurs groupes d'astronomes dits professionnels, en fait d'astrophysiciens, pour créer ce réseau qui s'appelle GRANMA, on s'est dit qu'on pouvait aussi faire participer des astronomes amateurs au même titre que les astronomes professionnels. Et c'est ce programme qui s'appelle Kilonova Catcher et qui a fait participer, donc on a un groupe à peu près de 100 amateurs partout dans le monde qui ont répondu à notre appel en 2019 et dont certains ont observé les alertes d'ondes gravitationnelles durant O3 et ils ont observé notamment des galaxies, comme je l'ai dit, qui pourraient avoir hébergé le signal d'ondes gravitationnelles. Et donc dans notre collaboration internationale GRANMA, on a analysé les données des astronomes amateurs et donc pour vérifier qu'ils n'avaient pas aussi trouvé un signal de kilonova. Bon, il s'est avéré que non. Mais je veux souligner aussi que les amateurs, en fait, tout le monde observe cette zone de recherche et on va trouver des candidates, c'est-à-dire des sources qui sont apparues sur le ciel et on cherche à savoir si ça peut être corrélé avec la source d'onde gravitationnelle. Et pour ça, il faut suivre cette source avec des télescopes sur 3-4 jours pour comprendre si l'éclat, si les propriétés peuvent correspondre à une kilonova ou une rémanence de sources gamma. Et donc ces astronomes amateurs, pour une partie, ils ont aussi observé ces sources candidates avec leur télescope et on a aussi analysé ces observations et donc il se trouve qu'il y en a une des sources qui était une supernova. Donc bien que ça ne sert pas directement notre science avec les ondes gravitationnelles, et ben ces données ont été analysées par notre collaboration et dans notre article de collaboration de GRANMA, on a eu des auteurs qui étaient astronomes professionnels et aussi les astronomes amateurs. Juste pour préciser pour nos auditrices et nos auditeurs une fois de plus, Kilonova Catcher, on vous a mis le lien sur notre Twitter. Pardon. On peut peut-être le reposter pour le mettre tout en haut si vous nous écoutez maintenant et si vous avez la flemme de descendre le fil. Et juste pour préciser que GRANMA, c'est pour Global Rapid Advanced Network Devoted to the Multi-Messenger Addicts, voilà, c'est juste pour vous donner l'acronyme. Un mot, parce qu'il nous reste vraiment plus exactement 2 minutes 30. On a beaucoup parlé donc de l'astronomie multimessager déclenchée par les ondes gravitationnelles. Quid de l'astronomie multimessager déclenchée par les neutrinos, Marianne Bizouard, parce qu'il y a des détecteurs de neutrinos, Ice Cube, Super Kamiokande au Japon, Ice Cube en Antarctique. Est-ce que on peut imaginer, en améliorant peut-être ces détecteurs de neutrinos, un signal déclenché par les neutrinos? Oui, ça c'est une autre recherche. Alors pour les détecteurs de neutrinos, il y a deux régimes d'énergie qui sont intéressants. La haute énergie, les neutrinos, dont l'émission donc, de ces neutrinos, par exemple, il y a un candidat, ce sont les blazars, qui sont des noyaux actifs de galaxies, qui pourraient émettre donc, des neutrinos de haute énergie, et Ice Cube, a priori, a vu en 2017 des premiers événements, a vu un signal extragalactique de neutrinos de très haute énergie. C'était le 22 septembre 2017, oui. Voilà, qui viendrait d'un blazar. Alors ça, c'est une autre façon justement d'étudier ces sources. Alors les blazars, le problème de ces sources-là, c'est qu'elles sont très très lointaines. Donc pour les ondes gravitationnelles, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, sauf si elles sont reliées aussi, si par exemple ces phénomènes où il y a des émissions de neutrinos de haute énergie seraient reliées à la fusion de trous noirs massifs. Parce que les noyaux actifs de galaxies, c'est des environnements très denses et qui, a priori, contiennent beaucoup de trous noirs. Donc on recherche, c'est quelque chose de très intéressant aussi d'un point de vue onde gravitationnelle. On n'a pas encore fait cette détection conjointe, mais c'est très intéressant. Comme je l'ai dit, le problème, c'est peut-être la distance, hein, parce que la plupart des blazars connus sont très, très lointains, donc c'est à la limite de nos possibilités, mais on améliore la sensibilité. Et l'autre domaine intéressant pour les neutrinos, c'est les neutrinos de basse énergie. Donc là, ça concerne les supernovas, effondrements de cœur. On sait qu'énormément, 99% de l'énergie émise est sous forme de neutrinos. Donc ça, ça avait déjà été observé lors de la supernova de 1987. Le signal de neutrinos avait été observé, le signal optique avait été aussi observé. Ce qu'on n'avait pas observé, parce qu'on n'avait pas les détecteurs à l'heure actuelle, c'était l'émission d'ondes gravitationnelles, qui est aussi attendue pour l'effondrement du cœur d'une étoile en fin de vie. Ce qu'on espère, c'est pouvoir l'observer un jour en ondes gravitationnelles, en neutrinos et bien évidemment en optique. Et on suivra ça évidemment avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sarah Antier. Merci Marianne Bisouard d'être venue nous parler de cette astronomie multi-messager. Si, comme moi, cette émission vous a passionné, si vous voulez en savoir plus sur les grands mystères qui restent à résoudre dans la connaissance de l'espace, eh bien je ne saurais trop vous enjoindre de vous procurer le livre L'Espace, la méthode scientifique que j'ai eu le plaisir de signer, de coécrire avec Mathieu Lefrançois. C'est chez EPA. C'était préfacé par Carlo Rovelli. Voilà, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, François Malordi, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. Demain, nous parlerons économie et robotique, alors que le confinement permet à quelques commerçants en ligne d'avancer leur pion sur la livraison par drone. Notamment, nous nous demanderons où en est la technologie et jusqu'où la robotique peut finir, peut envisager se substituer à l'emploi humain. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.